Les studios de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est les palmarès, c'est fou. Bonjour et bienvenue au Palmarès C'est fou pour la semaine du 1er au 7 octobre 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, c'est Alexandra Carignan. Salut, Alexandra Carignan. Bonjour, Mathieu Plante. Pourquoi je répète ton nom au complet à chaque fois? Je sais pas. C'est l'habitude, hein? Ben oui, c'est correct. Je comprends pas. Les inhabitués savent maintenant mon nom et le tien par le fait même. Hey, moi, tu l'as pas dit une deuxième fois, par contre. Je pense que les gens... Ben oui, pas je l'ai dit deux fois. Tu l'as deux fois? Ben parfait. Oui. Good. Voilà, tout est bien. Super. Aujourd'hui, donc, dans l'émission, on va avoir quatre nouvelles entrées, c'est-à-dire deux de chaque côté. C'est pas beaucoup comparé aux semaines dernières, mais une fois que la saison est commencée, qu'on a fait le ménage, on peut se calmer. Oui, un roulement régulier sans trop être... On ne pourrait pas brusquer les gens à chaque Exactement, semaine. Exactement, c'est ouais. Ça. Donc, on va avoir Louis-Jean Cormier, Elisa Leblanc, Bio Bazar et The Ludies. On va aussi avoir la chronique de DJ Catardi. Oui. Toujours. Toujours, c'est comme facile. À chaque deux semaines, en fait. Et les instants classiques d'Assemblage Requis. Un classique. Ah, c'est immanquable, hein, ça? C'est immanquable. T'essaies de t'en sauver, mais à chaque fois, je t'ai mis en face quand même. Ben hein? Oui. Ouais. Donc, on va commencer avec les 20e positions. Du côté anglophone, il y aura The Ludies avec leur nouvel album Edgy Ground et la pièce The Juggler. Mais tout d'abord, on va commencer du côté francophone avec Lisa Leblanc et Kraft Dinner. Miam! Ça, faut juste un petit peu de lait. Margarine, c'est la clé, je trouve. Et beaucoup d'amour. C'est le poivre, ouais, ouais, de l'amour. Des morceaux d'oignons, genre séchés. Ah ouais. Et bon. Faudrait pas dire ça à personne. Mais j'aimerais ça t'écrire des poèmes avec des beaux mots qu'on comprend pas, ni un ni l'autre. J'aimerais ça qu'on se fasse une soirée avec des petites fleurs pis des chandelles, mais j'trouve ça quétaine pour mourir, pis toi aussi. Au pire, on rira ensemble, on mangera du Kraft Dinner. Tout ce qu'on a besoin. Au pire, on rira ensemble. On mangera du Kraft Dinner. C'est tout ce qu'on a besoin. J'aimerais ça danser un slow avec toi, mais on est tous les deux trop maladroits. J'aurais peur de te marcher dessus pis de casser un orteil. J'aimerais ça qu'on se regarde dans les yeux pis qu'on se dise des belles affaires. Ça sortira peut-être tout à l'envers. Ben au moins nous autres on se comprendra. Au pire on rira ensemble. On mangera du Kraft Dinner. C'est tout ce qu'on a de besoin. Au pire, on rira ensemble. On mangera du Kraft Dinner. C'est tout ce qu'on a besoin. Mais c'est correct. De toute façon, il était rendu trop maigre. J'ai le cœur engraissé. Mais c'est correct. De toute façon, il était rendu trop maigre. Numéro 20, nouvelle entrée. Je Ah, parce que sur la laisse aller, ça va être dans le désordre, puis ça va être bizarre à comprendre. T'sais. On vient d'entendre les positions numéro 20. Du côté anglophone, il y a eu The Ludies avec The Juggler. Et du côté francophone, c'était Lisa Leblanc avec Kraft Dinner. Oui, là, on va l'entendre les 19e places. Du côté anglophone, je sais qu'il y aura Bio Bazaar avec Skyfish. Mais tout d'abord, ce sera l'excellent Louis-Jean Cormier avec Cassette, qui figure sur son dernier album, Le 13e étage, qui est sorti il y a de cela quelques semaines à peine. Et d'ailleurs, moi, je n'ai entendu que de bonnes critiques sur ce CD-là. Tous ceux qui aiment Carquois, en fait, aiment Louis-Jean Cormier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve l'ambiance Carquois, mais quand même dans un esprit un peu plus différent. Ça doit, hein? Et d'ailleurs... Ah, je l'ai! Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent voir un spectacle, il sera à la Maison de la Culture au courant de l'année. On l'écoute. Je l'ai trouvé juste... T'es bonne pour rentrer du temps. T'es vraiment bonne. Ouais. Hey, vous êtes au palmarès, c'est fou. Trop de détails? Trop de transparence? C'est ça? Ah, ben non. Non? C'est correct. J'ai cherché longtemps. OK. J'arrête. La, la, la, la. Creuse à l'appel, à la une des nouvelles, des messages à deux faces, une pour le cash, l'autre pour les flashs, toujours la même cassette, toujours la même cassette, les clichés se répètent et la parole s'émiette, des cordes de langue de bois pour mettre le feu à tous les Judas, toujours la même cassette, toujours la même cassette. Et si on la faisait jouer à l'envers pour une fois, en éliminant tous les effets dans la voix, est-ce qu'on y verrait plus clair? Toujours bla, bla, bla. Capitule. numéro 19. Nouvelle entrée. Bazar avec la pièce Skyfish. sur le nouvel album Oban. Context, c'est une nouvelle entrée en position numéro 19 anglophone. Et juste avant, on a entendu Louis-Jean Cormier avec Cassette au numéro 19 francophone, aussi une nouvelle entrée. On a aussi entendu les 20e places en anglo The Ludies et The Juggler sur l'album Edgy Ground. Et on a débuté le tout avec Lisa Leblanc et Kraft Dinner en 20e position francophone. Et oui, beau petit blog de nouvelles entrées. C'est tout pour les nouvelles entrées cette semaine. Ben oui. D'habitude, on se rend jusqu'à au moins 45 minutes du début de l'émission. Avec les nouvelles entrées. Mais cette semaine, on s'est modéré. On aime ça des fois se calmer les nerfs un petit peu, savourer ce qu'il y a dans le palmarès. C'est correct. C'est bien bon de même. On va sauter par-dessus deux positions en anglophone. Je sais, vous aimez pas sauter des choses, mais il faut pour pouvoir avoir du contenu de la part de DJ Catharty plus tard. On va sauter par-dessus la 18e et 17e anglo. Donc, Hellsong est en 18e place avec Sin City. Et on a sauté aussi par-dessus Set Fire to the Nation de Grimmskunk en position numéro 17. Les deux sont là depuis 4 semaines pour celle-là et 7 semaines pour l'autre. Ça commence à être un petit peu vieux de ce côté-là, Hellsongs. Donc, on va entendre en francophone plus tard Canaille avec Dimanche. Mais on va tout d'abord commencer avec La Descente du Coude et Instinct Domestique en 18e position. Cloud fait mal au tinaire, ça. Descente du Coude fait mal au tinaire. Ouais, pas mal, hein. Comment il s'appelle, ce petit nerf-là? Le fatigant. Ouais, complètement. Ouais. On vient d'entendre Canaille et Dimanche. C'est la position numéro 17. Elle est stable et ça fait deux semaines seulement que c'est là. Et juste avant, on a entendu La Descente du Coude qui ont performé, qui ont fait... Live en studio! Oui, c'est ça. Instinct Domestique au numéro 19. Ça fait maintenant deux semaines aussi qu'ils sont dans le palmarès. Mm-hmm. Et du côté anglo, on rappelle qu'on a sauté Hell Songs avec Sin City et Grimmskunk avec Set Fire to the Nation qui descendait de deux places pour Hell Songs et montait d'une pour Grimmskunk. On va avoir la chance de les entendre dans les prochaines semaines. On va sauter aussi par-dessus Ariane Moffat, qui, elle, fait la pluie et le beau temps depuis quand même 6 semaines, mais elle descend du numéro 3. Hein? Oui, elle a fait une petite drop. Mettons, tu sais, quand il pleut, ça t'arrive de glisser, tu sais? Oups, pétard. Comment on appelle ça? Skid marks, non, ça, c'est des traces de break. C'est pas la même chose. Non, c'est de l'aquaplanage. Oui. Avec l'automobile, c'est pas sympathique. Non, mais elle qui a une chanson qui s'appelle L'homme dans l'automobile, donc j'espère que ça n'a pas un lien avec un accident quelconque. L'homme dans l'automobile a fait de l'aquaplanage durant la pluie. Ah. Et non pas durant le beau temps. On va aller donc entendre la position numéro 16 anglophone qui descend de 5 places. Oui, la position numéro 16, qui est The Gaslight Anthem avec 45, qui est au numéro 11 et qui est maintenant au numéro 16 du palmarès anglophone. Ça, tu penses qu'on écoute ça, mettons, à quelle émission pour commencer, mettons? On écoute ça à Palmarès, c'est fou! C'est sur quelle poche? C'est-tu... 89.1! C'est là.

some rest. Open the valves and let it flow. Minutes sans parler en ondes, c'est quoi? C'est comme un épisode d'une sitcom, c'est pas long. C'est pas long quand on a de la bonne musique qui remplace notre voix. Exactement, c'est ça. Alors, on vient d'entendre du côté anglophone Wheel Driving West et Painkillers qui descendent d'une place. Et juste avant, on a écouté le numéro 15 francophone qui était Élie et Papillon avec une chanson pour tout dire. Mm-hmm. Avant ça, on a eu Gaslight Anthem et 45 qui descendent de 5 places. On a sauté par-dessus la 16e francophone. La 16e francophone qui était La pluie et le beau temps d'Ariane Moffat. Et c'est triste, mais c'est ça, une fois de temps en temps, on dit à chaque semaine qu'on n'aime pas sauter des choses, mais qu'on n'a pas le choix. Exactement. Ça rentre pas 40 pièces en 3 ans. Physiquement impossible. On devrait, même si on se lançait le défi, ça ne marcherait pas. C'est ça. Et vous avez vu qu'on, déjà pendant la première heure, souvent on ne parle pas beaucoup. Tu sais, peut-être. Et ça passe pas plus. Alors, on va y aller avec les positions 14. Qu'en dis-tu? Ben moi, je trouve ça, c'est une bonne idée. D'ailleurs, j'adore la position 14 francophone. Oh, elle va suivre dans quelques... Pour ceux qu'on parle pas, parce que quand je parle, je dis n'importe quoi. Tout à l'heure, on aura The Hives avec Wait a Minute, qui monte de 5 places, qui était nouvelle la semaine passée. Mais d'abord, on va y aller avec Bernard Adamus, avec Arrange-toi avec ça, en 14e position. Oh, palmarès, c'est fou! Un autre 20 minutes sans parler, non? Non. Chacun dans nos belles, dans nos solitudes, les détours de l'amour, le cul-de-sac au lever du jour, nos bébés qui baignent les faux semblables. Ça va pas bien! Ça va pas bien, j'ai l'air d'un air bête à couper une chanson comme ça. J'ai vraiment l'air de ça. Mais, ce serait bien, étant donné qu'on a seulement 3 heures pour jouer aussi autant de pièces, de indices, mettons, jouer la bonne peut-être. Ah. Je sais pas ce que t'en penses. Je trouve que c'est une bonne idée. C'est pas une bonne formule pour l'émission, tu sais, de jouer les choses dans l'ordre, non? J'aimerais essayer ça maintenant. Musique Plus, je sais qu'ils sont contre ça, tu sais, dans un chapeau. Ouais. Ils font jouer un lapin, en nom. Jouer un lapin. Ça fornique la musique plus, hein, je pense. Tout le temps. Du monde qui donne d'autres qu'un souhait, y'a du monde qui te vole d'autres en douai. Du monde c'est le même cours après le samedi, d'autres ont bien la peine qu'ils servent. J'ai pour mon dire que les poches bien pleines quand ils regardent pas vide les tiennes. Du monde dans le trou, mais d'autres dans le chemin. N'est que tout un autre qui se plaint. N'est que tout un autre qui se plaint. Deux, trois becs plates avant d'y aller, pis ben du courage pendant le souper. À toutes les soirs, y'a 22 heures, y'a du monde qui ça a l'air ailleurs. Des gars bien croches qui roulent la partante. T'as du monde bien drette, ça coupe des flanches. Y'a 9 à 5 pis le gars qui se craint. Bah tu sais, ex-assist quand tu te crains. Fais ex-que-tu quand tu n'as pas. 14. Wait a minute now, wait a minute, wait a minute now, wait a minute now, wait a minute, wait a minute. The Hives avec « Wait a minute », vous l'aurez deviné hein, par le fait qu'il le répète comme 45 000 fois. C'était la position numéro 14, ça monte de 5 places. Et juste avant, on a entendu Bernard Adamus avec « Arrange-toi avec ça » au numéro 14. Et ça l'a fait une montée de 2 places puisqu'il était au numéro 18 la semaine dernière. N'est-ce pas une merveilleuse chose? Moi, je trouve que c'est une merveilleuse chose. Non, en fait, c'est une bonne chose. Ben oui. Oui, c'est ça, d'accord. Ben, il a monté. Oui, c'est bon, c'est merveilleux ça. Mais moi, je suis contente. Monter, c'est vers le haut ça. Monter, c'est par en haut. To the top. Straight to the top. Never stop. Never Don't stop. Give up. C'est des paroles de chanson, je sais pas. Sûrement, mais pas de la même. C'est détaché, un petit peu décousu, je trouve. Donc, on va être rendu donc aux positions numéro 12. Et là, j'ai abusé un petit peu du mot « donc ». Ben, en fait, on serait rendu... Je veux pas te... Mais on serait rendu 13, numéro 13. C'est ouais. Ça, 13 un petit peu. Ouais. Mais c'est malchanceux, 13. Oh. Je l'ai sauté par-dessus. C'est là. Je suis tellement pas d'accord avec ça. C'est moi, même pas je suis pas d'accord je avec ça. Là. Non. On va toucher du bois. C'est ça. Une autre superstition avec laquelle je ne suis pas d'accord. J'aime pas ça, les superstitions. T'aimes pas ça, toucher du bois? Avec l'Halloween qui s'en vient, est-ce que t'es superstitieuse par rapport aux chats noirs et aux échelles? Pas du tout. J'ai eu plusieurs chats noirs dans ma vie. J'étais encore vivante. Oui. Et j'habite sous une échelle. J'habite sous une échelle. Alors, hein? Bon. Denis Placard, Grace Dubin, tout de suite, Palmarès, c'est fou. Hey, chante-nous ça, chante-nous de la graisse de bine. J'ai bien beau me shooter du café, pas moyen de rester réveillé. J'ai les deux yeux dans graisse de bine, y'a un paquet.

The Darkness et Everybody Have a Good Time. Position numéro 13, ça monte de 7 places et c'était nouveau la semaine passée. Et juste avant, on a entendu la 13e position côté francophone. C'était Danny Placard avec Grace de Bin qui est en hausse puisqu'il était au numéro 12. Non, il est en baisse. Il s'est fait des faux espoirs. Il est en baisse de 1. Là, attends la vie. Colin, ça part si rapidement. C'est comme quand tu manges des beans, il y a quelque chose qui... C'est pas une blague à faire. Ben, tu sais, ça en est une, mais à savoir si elle est convenable, c'est toi qui le sais. Reste à l'écoute pour entendre Chinatown et Band of Scars, entre autres, au palmarès. C'est fou. C'est la deuxième heure des Palmarès, c'est fou pour la semaine du 1er au 7 octobre 2012. Salut Alexandra Carillon. Bonjour Mathieu Plante. Comme si on venait de se rencontrer pour la première fois. Ben oui, ben toujours. Comment allez-vous, madame? Ça va très bien, vous? Vous venez souvent ici? En fait, tous les jeudis. Oui, entre 15h et 18h. Rediffusion vendredi 17h. Je viens en rediffusion. 14h, c'est ça. On te redemande de faire la même performance. Je fais les mêmes erreurs techniques aux mêmes endroits. Je parle les mauvaises tunes. De chialer, c'est sympa. Donc, le prochain bloc, ce qu'on va faire, c'est un bloc 50-50. Donc, on va vraiment sauter par-dessus quelques petites affaires dans le prochain bloc. On saute par-dessus Passion Pit en position numéro 12 anglophone. La pièce s'appelle Take a Walk. On va commencer par la 12e francophone. La 12e francophone qui est Chinatown et Vivre les pieds nus, qui est en 12e position. Une once de 3. La voici. On fera le reste après, sinon c'est mêlant, tu sais. Je mets assez mêlé de même. Assez. Ouais. Actrice. No son, I want you to. afraid that she got it going on. Your head swims in electric blues. If all fails, you can't lose. Les positions numéro 11, on vient d'entendre The Darkness, non pardon, Bed of Scars avec You're Not Pretty But You Got It Going On, qui monte de 4 places, 3e semaine. Et avant ça, on a sauté par-dessus Dumas avec L'Heure et l'Endroit qui monte de 2. Avant, on a sauté par-dessus Passion Pit et Take a Walk qui est stable en 12e anglo. On a débuté avec Chinatown et Vivre les pieds nus qui monte de 3. Elle aussi était une nouvelle entrée la semaine passée. On continue avec les 10e places. Juste après, il y aura les instants classiques d'Assemblage Requis, donc restez à l'écoute. Dans quelques moments, il y aura Parler et Holding On to Something qui fait une légère chute de la 4e place, mais on débute avec Keith Kuna qui lui monte de une tic-tac au 89 FM, c'est tout. En Irak, en Égypte, en Syrie, en Somalie, partout on sème à la folie, vive le tic-tac, tic-tac. En Afghanistan, en Russie, en Chine, en Libye, partout on sème à la folie, vive le tic-tac, tic-tac. Au Liban, au Congo, au Pakistan, au Mali, partout on sème à la folie, vive le tic-tac, tic-tac. Europe, Amérique, Afrique, Asie, Océanie, partout on sème à la folie, vive le tic-tac, tic-tac. Tic-tac, tic-tac, toujours plus fort, toujours plus vite. On se dévore, on se craque, on se crie. En économie, on se crée en catimini, partout on sème à la folie, vive le tic-tac, tic-tac. En pétard, en fusil, en uniforme, en habit, partout on sème à la folie, vive le tic-tac, tic-tac. En djihad, en hostie, en attente, d'autres shots de whisky. Je t'aime à la folie. Big le tic-tac, tic-tac. Numéro 10. To something, position numéro 10, ça descend de 6 places. Et juste avant, on a entendu Kit Kuna. Oui. Alors, je sais, c'est ça. Avec, pas sûr. Avec tout ce qu'on saute, c'est normal. numéro 10 avec Tic Tac. Cool. Ben oui. Oui, j'ai hâte au prochain bloc qui va être très bon. C'est Tremblay et Grizzly Bear. Moi, j'adore Tremblay. D'ailleurs, Tremblay qui était en spectacle mardi dernier, en fait, un récent mardi. Là. Le 2 octobre au Gambrinus. Et je l'ai manqué. Ah, pour vrai, je ne savais même pas ça. Ben oui. Apparemment, ben c'est ça, j'ai vu ça la semaine passée. C'était peut-être pas très pop. Il y en a tellement des spectacles comme ça. Mais j'aurais vraiment aimé y aller. Puis demander qu'il me signe un autographe. Manolo. Oui, Manolo! Les bannis. Banni. Ça serait génial. Alors qu'on les entendra tantôt, mais pour l'instant, c'est le moment que vous attendiez tous. Et ceux qui attendaient ça, vraiment, pour. Je veux pas vous juger, mais vous êtes un petit peu loose. Il y a juste moi qui attends. Tu viens de le dire que tout le monde l'attend. Oui, mais c'était comme sarcastique, ça. Oh, mais là, si vous attendez vraiment ça. J'ai pas, t'as pas un chandail là, marqué sarcastique? Non, c'est ça. C'est, j'ai pas de balise HTML inférieure à sarcastique et supérieure. Voici les instants classiques d'Assemblage Roquille. Voici les meilleurs moments d'Assemblage Roquille pour la semaine du 1er octobre 2012. Lundi 1er octobre 2012, moi c'est Mathieu Plante. Et moi François Olivier. Habituez-vous à ça parce qu'on va dire comment ça va, je pense. Pas le choix, là. Non, pas le choix. Rocktober, c'est comme... j'étais avec une collègue cette semaine et on parlait... elle organisait une raclette, tu sais. Fait que j'ai évidemment appelé ça une raclette, t'sais. Parce qu'il paraît que c'était bien bon. Fait que je vais la retenir, je vais la réutiliser. Okay. Une raclette, non? C'est pas... raclette. Moyen. Non? Moyen. Tu vois, des fois, je surestime la puissance de mon jeu de mots. Je suis comme, hier, j'en ai trouvé un qui avait d'allure, mais non. J'ai écouté la rediffusion des palmarès hier. Ah, c'était bon, hein? Et puis, genre, ben oui, tout à fait. Et puis, j'ai entendu Cause Light and Time, puis je me suis rappelé que j'aimais ça. Une chance que t'es tout seul dans ton bureau, toi. Je monte le son. Ah, oui. Ouais. Fais déplacer un peu, sinon. Oh. Oh. Moi, j'avais un gros masque, puis il y a quelqu'un qui m'avait joué après le masque. C'est que non. Non, touche-nous pas. T'as pas à toucher aux gens. Vous pouvez nous crier après, vous pouvez pas nous écouter, mais touchez-nous pas. Une chance que vous avez pas imité des jeux où on peut faire le teabag, non? Le teabag? Les références de jeux vidéo, c'est quand tu trempes en... Non, j'ai pas de détails, boy, mais... Okay, une chance que, tu sais, c'était pas ça. Non. Heureusement. Ceux qui en comprennent, tant mieux. Ceux qui en comprennent pas, ben, désolé. Tantôt, tu nous parles d'un groupe indie. Ben oui. Ben écoute, on suit le créneau. Oh, ça vient juste de m'arriver. Est-ce que tu peux nous donner un indice? Un indice? Indie. Génial. Pensez, il est comme tout... Sauf que j'ai pas bu de thé, fait que je me suis pas donné au teabag à matin. Non. Vous êtes troublés, les gars. Call back de Vlina. J'espère que les enfants sont à l'école. 8h30, peut-être. Je vous irai à la page de M. Martineau. Tout vous avez il va tout vous expliquer ça. Ouais, c'est un expert. Un professionnel de l'information. Alors, on peut prendre une petite pause musicale si ça vous dérange pas trop, M. Lebrun. Pas de problème. On va entendre la descente du coude et la pièce « L'état de la langue d'État ». Toujours dans la chronique de Michel Lebrun, qu'on pourrait appeler aujourd'hui Michel Lebrun. Je m'étouffe. Ça, c'est drôle. Hein? Non seulement parce que c'est drôle, mais parce que je m'étouffe aussi. Ouais, l'un ou l'autre, c'est ça. Donc, on parlait de chat, là, en rond, là, Caroline. Tu sais, Maxime est arrivé exactement au moment où on parlait de chat, tu sais. Puis là, est-ce que Maxime t'aime les chats? Ça me laisse indifférent, disons. Mais je commence à penser que vous avez un biais envers les chats, parce qu'à chaque fois que je viens ici, il y a tout le temps une conversation de chats, quelque part. C'est très récurrent. Moi, je te dirais que j'apprécie beaucoup les chats. Oh! On se peut plus, hein? Ouais. Salut! On reçoit en direct par téléphone Mme Claire Pimparé, alias Pascal Roux. Bonjour! Bonjour! 1983. On se rappelle. J'étais même pas né! Non, écoute, Passe-Partout entamait sa cinquième saison, là, quoi, quand même, tu sais, c'était... Passe-Carreau, hey, on l'a reçu ce matin, t'as-tu entendu? Passe-Carreau? Passe-Carreau, t'as raté ça, Passe-Carreau à la radio. T'es sérieux? Ben oui. Pendant genre 15 minutes tantôt. Ben, elle savait que t'étais là, en plus. Ben, elle dit, Claire me choyait juste avant François Lambert. Ça a été mon premier fantasme, ça, parce que... Claire Papari, t'as là. Avec le chat, là? Ouais. Balado-diffusion. OK, on va taper. Balado-diffusion, ça, c'est clair. M'envoie écouter ça, là. Puis, je vais fermer ma porte. Bon. Je veux pas te déranger. Écoute, mon premier fantasme. Ensuite, ça a été Manuel et compagnie, mais bon. Oui, c'est ça. Une chose à la fois. Étape par étape, comme Philippe Couillard. Étape par étape. On y va, tranquillement. Step by step, ou bébé, gonna get to ça, c'était pas une petite zone de bloc, ça, c'était bien ça. Ouais, ça aussi, c'était bon. Restez sur nos ondes parce qu'à 9h, juste là, ça va être la nouvelle chronique de Rich Solery. Tu sais, Rich Solery, on le connaît pour. Il a fait Autopsie d'écrivain célèbre, Le diable dans tous ses états, Suicidé connu ou méconnu, Les tueurs en série, Anecdotes de bourreau. Il en a fait des tonnes. Il passe même à la TV à coup, j'ai coup. Oui, avec son émission Science et Fiction. Et là, il débute une nouvelle série. Il nous montre comment acheter un sac à dos. Donc, c'est le nombre de livres que tu peux avoir sur le dos. Non, on me confirme que c'est Sadako. Tu vois la blague, tu vois, c'était sacré Mathieu Plante. Ah, sacré Mathieu Plante, ça résume l'assemblage requis. C'est malheureux qu'on puisse dire ça, mais c'est sacré Mathieu Plante. Ben non, mais c'est ça qui. Tu meubles. les moments de c'est ça. Je remplis entre les chroniques, c'est ça que ça veut dire? Ben oui, c'est ça. T'es le meuble. Au milieu, merci. C'est le fun, ça. Un divan. Même quand même. Ben oui. Oui. Confortable, pas tout le temps utile, mais toujours là au bon moment. C'est ça. Un genre de canapé que tu mets dans le coin du salon parce qu'il est beau. Exactement. Mais dans mon cas, c'est pas parce qu'il est beau, c'est parce qu'il fait ben non, arrête donc. Des beaux t-shirts. Merci. Ça fait plaisir. Au milieu de la chronique, pour ceux qui n'ont pas compris, parce que je sais que des fois, il y a quelques affaires que c'est difficile de mettre en contexte. Tu sais, je prends tout le temps les extraits où on peut comprendre le contexte si on écoute vraiment comme il faut, très attentivement. Mais au milieu, notre chroniqueur Michel Lebrun avait un rhume pendant sa chronique. Mais oui. Et des fois, c'est pas clair quand j'éteins les micros. Et les gens pensent que les micros s'éteignent, aussitôt qu'arrête de parler puis que je fais comme sur le bouton. C'est pas le cas. Donc, c'est un petit peu mouché en ondes. Ben oui. Mais on l'aime beaucoup. Ben on oui, beaucoup. C'est juste un moment cocasse. C'est exactement ça, exactement. C'est arrivé nombre de fois à... À David Ferron. À David Ferron. Qu'on mette un meilleur moment. On l'aime beaucoup, mais on c'est l'adore. Ça. David aussi, des fois, oublie... Qui est en onde. Qui est en onde, mais ça fait des... Ça meuble beaucoup, les moments classiques. Une chance qu'on peut faire un bon petit 4 minutes avec ces moments-là, surtout avec du David Ferron au 3 quarts, je pense, dans les moments instant classiques. On l'aime parce qu'il est drôle. C'est ça. Si on vous met dans les moments classiques, c'est qu'on vous apprécie. Ce qu'on a fait, c'est jamais méchant, c'est juste parce qu'on a trouvé ça drôle. Ben c'est oui. Donc, écoutez, Assemblage requis du lundi au jeudi entre 7h et 9h avec François-Olivier Marchand et moi-même, Mathieu Plante. Et retrouvez les balados-diffusions et les notes de l'émission sur assemblagerequis.com. On va retourner à notre palmarès. Et je vous ai annoncé tantôt qu'on aurait des très, très bonnes pièces. Et plus tard, il y aura celle de Grizzly Bear, Sleeping Ute. Mais juste avant, on va aller écouter Tremblay avec Marie Plastique au numéro 9. Est-ce qu'il va faire une chanson qu'il avait fait dans Ramdam avec les Bannis? Non. Remake. Non. Je trouve que c'est une opportunité. Que... C'est Persécution, sa chanson, hein, c'est ça? Persécution! Mais non, sincèrement, là, il doit vouloir enfouir ça du plus... c'est ça. Je le comprends, mais visuellement, on s'entend qu'il change pas même. Moi, je l'aime tellement. Je l'adore, sérieusement. Je dis pas ça méchamment, c'est encore une fois parce qu'on t'adore, Maxime Desbiens-Tremblay. Le voici, au palmarès, c'est fou. Ah, il chante. Marie Plastique. jeu de sa vie finie du temps que j'habitais chez ma mère. Tu veux rester tranquille, tu veux de quoi te l'air. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89-1. Numéro 9. And I can't help Grizzly Bear et Sleeping Youth, c'est la position numéro 9. Ça monte d'une place du côté anglophone. Et juste avant, on a entendu Tremblay avec Marie Plastique en 9e position, qui a fait une baisse d'une position puisqu'elle était numéro 8 la semaine dernière. Et quand un papier ou plastique, tu sais? C'est ça. Ouais. 5 cents, ça coûte 5 cents. Ça. 5 cents, c'est juste 5 cents. Bien placé, ça coûte 5 cents. Tout à l'heure, on aura Panda Léon en francophone et Foxy Shazam en anglo, mais avant ça, on accueille les Jets Cathardi. Voici sa chronique juste là dans vos oreilles. Alors, bonjour Mathieu. Salut, Kat. Ça va bien? Ça va? Oui, très, très bien. Tu passes une belle journée, Oui, oui, c'est pas très ensoleillé, plutôt pluvieux, mais... C'est-tu plate? Ah, la météo. Donner un bon sujet de conversation à des étrangers et à toutes les gens qui n'ont pas vraiment rien à dire depuis l'éternité. C'est le sujet par défaut, mais au moins, ça crée moins de controverses que, tu sais, commencer à parler de tes opinions politiques à du monde que tu connais pas, dans la vraie vie, mettons, non? Ça t'arrive-tu des fois de partir sur une conversation, puis là, l'autre personne est contre toi, puis là, ça fait de la chicane, là. Ben, si tu veux te pogner avec du monde dans la vie, il y a deux bons moyens excellents. Parler de leur mère. Non, trois, mettons. De leur mère. De la religion ou de la politique. Ouais, c'est ça. C'est à peu près ça. Ça fait le tour. Ouais, la mère, je l'ai comme rajouté. Vraiment, ça slide. Your mom is so big. Tu fais pas ça, là, à quelqu'un que tu connais pas. Your mom is so fat. Même à quelqu'un que tu connais, tu fais pas plus. C'est à peu près ça. Donc, aujourd'hui, tu nous présentes de la bonne musique, comme toujours. J'essaye. Aujourd'hui, j'ai présenté la première pièce, sera une pièce de The XX, qui est un groupe rock minimaliste de Londres. Mm-hmm. Et ils font... toi, tu les connais un peu, Mathieu? Pas tellement, non. Je dirais qu'ils n'ont jamais vraiment envoyé leur CD des XX. Donc, quand quelqu'un les fait jouer, c'est parce que quelqu'un aime ça, comme toi et comme des fois d'autres. Mais c'est rare, malheureusement, parce que c'est très, très bon. Oui, c'est assez intéressant. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais vous donner un petit aperçu de qu'est-ce qu'il y en a avant de vous en parler plus amplement. D'accord, on écoute The XX et la pièce The Angels. Ensuite, la chronique de DJ Cathardi. Being as in love with you as I am, being Donc, c'était la pièce The Angels de DXX. Donc, ça, c'est issu de leur deuxième album. Leur premier a été paru en 2009. Ils ont appelé XX. Quelle originalité. Vraiment, et ça, c'est facile à trouver, XX, j'imagine, sur Google. Hein, t'sais. Deux lettres ensemble. Je sais pas. Ouais, on ouais. va... C'est comme la série O à TVA. C'est bon nom en 2012. Juste la lettre O. Tu sais, ça se trouve pas. Le deuxième album s'appelait Coexist. Puis ça, c'est le premier single, dans le fond, de leur deuxième album. Ils ont commencé à faire un peu plus de bruit, je dirais peut-être depuis 2010. Ils ont d'ailleurs ils ont joué dans les... Mon Dieu... Les cinq plus grands, tu me disais, festivals. Ouais, les festivals de musique. Moi, j'aime beaucoup le mot festival, mais ça n'existe pas. Ouais, c'est ça. Malheureux, mais j'aime bien ça. Là, j'étais comme cheval, cheval. Attends un peu. Attends, oui. C'est pas que j'y pense. C'est pas, là. Mais ouais, ils ont joué notamment à Coachella, Lollapalooza. C'est vraiment des gros trucs, là. Ça accueille des centaines de milliers de personnes, ouais. Ces festivals-là. Oh, merci. Hey, tu vois, plus les gens l'utilisent, plus ça va avoir l'air vrai. Puis Rihanna l'a d'ailleurs repris sur son dernier album dans Talk That Talk, la pièce Drunk on Love. Ah. Puis bon ben c'est ça, je pense que j'ai fait un mini survol de DXX, il y a trois membres. Mm-hmm. Puis c'est ça, c'est quand même assez ambiant, mais ça peut être par moments un petit peu plus rythmé, un peu plus rock, puis en général assez minimaliste. Ouais, c'est très bon. Ouais, donc la deuxième pièce, tu peux la partir tout de suite d'ailleurs, ouais, parce qu'elle est quand même assez longue à embarquer. Ça s'appelle Love Break, puis c'est une chanson Deep House. Donc vous connaissez un peu le style de musique house qui a été parti à Chicago dans les années 80, qui était comme un mélange de disco et de funk remixé, étendu à la saveur du DJ qui était de la maison. Puis le Deep House, c'est vraiment un peu plus Buddha Bar, Hotel Costes, ambiant. C'est vraiment très drink, martini. Puis moi, j'aime beaucoup ce style de musique-là. J'en fais beaucoup jouer au Carlito, d'ailleurs, quand j'y travaille les jeudis et les vendredis soirs. Petite plug. Puis c'est ça s'appelle Love Break et c'est Myla Ninja. Erringer? Tube et Burger. Mais en fait, c'est pas vraiment important le nom. Vous avez juste à regarder sur Beatport.com, qui est une... Beatport.com, qui est vraiment une référence en musique électronique partout dans le monde. C'est le site de musique par excellence. Donc, on écoute ça. Baby, all I wanna do is love you. Alors, je sais pas si tu as réussi à trouver la chanson cachée en sample derrière cette version remixée, Love Break. J'avoue qu'Alexandra est pas mal meilleure que moi aux devinettes parce qu'elle l'a eu, et pas moi. Je l'ai pas deviné, mais quand on l'a fait jouer en studio, je l'ai reconnu. C'est une pièce de... Brand Van 3000, ce groupe montréalais. Tout à fait. Faut pas dire 3000, je l'ai appris avec le temps. Moi, je disais tout le temps Brand Van 3000 comme un espèce de fendant. Mais c'est pas ça. 3000? Oui. 3000. Donc, c'est ça, la chanson Love Break, Milan Ingram. Numéro 2 du beatport.com, ouais. On se cassera pas le basic, là. C'est plein de monde ensemble, mais il y aurait pu trouver un nom de collectif. C'est gars, Brandman 3000, tu sais, il s'appelle pas Milan Uringer and Tubenberger. Non, mais tu sais comment c'est des artistes avec leurs égos, ils veulent pas laisser tomber leur nom, donc ils font un collectif avec 8 noms dans leur collectif. Oui, c'est comme les parents qui donnent des prénoms et des noms de famille doubles, puis après ça, ça fait des enfants qui ont des noms de famille quadruples parce que tu veux pas perdre le nom, tu sais. C'est pas légal, ça. C'est pas légal? Non. Bon. J'ai un cours de conversation juridique, de la pratique psychoéducative, et je peux t'affirmer que c'est pas légal. Combien t'as le droit de max? Deux noms de famille. Choisis parmi le groupe. Exact. D'accord. Eh ben. Exact. Mais c'est ça, donc c'était un sample, la chanson Standard de Brandon 3000. Oui. En version Deep House. Et comme j'ai dit tantôt, c'est le numéro 2 du beatport.com. Beatport.com, la référence en musique électronique. Vous aimez le house, l'électro, le dubstep, le deep house, le chill house, l'ambiance new disco, c'est la référence. Ce qui fait blue blue, puis bling bling, puis blou blou. Tu sais, ça fait la même. Tu sais, des fois, blou blou. Blou blou. Électronique, des fois, ça fait du blou blou, non? Ben, des fois, dans le dubstep, tu peux avoir des sons de chainsaw. Tu peux avoir aussi... À l'Halloween, tu préfères, genre, tu pourrais passer des remixes full horreur, là, de... Oui, j'en ai quelques-uns. Ouais. J'ai quelques versions... Et the Monster Mash, là. J'ai la marche impériale, d'ailleurs. Ah, cool. Qui est un incontournable. Ouais. Puis sinon, ben, tu sais, ça va être des samples de... machine à café pour faire mousser le lait puis des affaires de même. Ah oui? Ouais. Ça fait peur, ça fait peur. Non, j'ai une version de Thriller. OK. Pas pire. J'ai Ghostbusters remixé. Cool. Ça, tu sais, là, l'espèce de son vraiment bizarre de cathédrale, là, que... Ça, c'est sûr, jamais, là. OK. You know? Oui, fait oui. Que, non, je suis fin prête pour l'Halloween. Super. T'as trouvé ton costume, peut-être, bientôt? J'hésite encore. Ouais. Probablement un mash-up, comme tu dis. J'hésite, évidemment, entre Rastafari. Oui. Parce que je suis une Rastafari dans l'âme. Oui. Et Marilyn Monroe. Tu sais, donc parce fusion. Telle Marilyn Monroe, je suis une fille qui sait qu'elle n'a pas de limite. Mais imaginez ensemble, tu sais, Marilyn Monroe, Rasta blond, mettons, ça. Est-ce que c'est un défi que tu lances, mais je pense que c'est un gros win. Non, mais pour vrai, tu mets ça sur 9gag après, tu le montres. Je sais pas quoi, quelque chose de. Je pensais pas que ça se rende jusqu'à 9gag. Facebook au moins? Non. Non. Il me reste encore à créer un mémé de mon. Un memes. Je sais pas, un mémé, ça sonne drôle, mais ouais, un meme. Un meme de mon téléphone qui dit « Oh, you're trying to listen in class and go unnoticed? Let me sing you the song of my people. » Oh non! Ah, c'est super. Attends, non. Moi, j'ai-tu encore de la batterie? Je sais qu'on prend vraiment du temps là, sur n'importe quoi, puis mais on aime ça parce que c'est intéressant, tu sais. On trouve ça drôle. J'ai trouvé... Tu vas trouver ça câble. Des sonneries téléphone, mais tu sais, tu connais les sonneries par défaut du iPhone? Oui. Tu les connais, on les connaît tous et vous allez les entendre au début. Mais il y a quelqu'un qui a refait... Attends, je vous baisse ça. J'espère que ça va pas faire trop de feedback, je penserais pas. Oh mon Dieu. Écoute ça. Au secours. Tu peux jouer, ce serait le fun aussi. Et les machines électroniques, hein? Hein, c'est cool, là. Attends, j'en ai d'autres. J'ai monté mon micro, c'est pour ça que je parle fort, là. Regarde ça. C'est vraiment cool. J'ai envie d'aller m'éclater à la face dans un festival de musique, moi. C'est une pièce et 29 que tu reverras jamais, tu sais. C'est une fun. T'as pas payé une pièce et 29 pour ça? Peut-être juste, peut-être. Peut-être pas aussi. Peut-être. Peut-être que je les ai pris ailleurs aussi. Les mystères planent. Donc voilà pour mes sonneries de téléphone et merci beaucoup DJ Catardi. Ça fut un plaisir. Ce fut constructif et divertissant. Et aussi très improvisé. Oui, improvisé, mais on aime ça comme ça. Hein? Oui, absolument. T'sais, la lutte, nous autres, pareil. Même affaire. Merci Radio Communautaire de me permettre de m'épanouir. Une chance que tu es là pour elle aussi. T'sais, quelque chose. C'est un petit quelque chose. C'est un échange comme un mashup entre Rasta Man et... Ouais. C'est fini, c'est assez. On te retrouve ce soir et demain, jeudi et vendredi, devrions-nous dire, au Carito. Oui, c'est exact. Puis on se revoit dans 2 semaines. À dans 2 semaines. Merci, Catardi. Merci. Bonne journée. On retourne au palmarès C'est fou avec Alexandra et Mathieu, ici, oui. Juste là. Toi et moi. C'est... On est là. Chalut, comme on dit. On va l'entendre du côté anglophone. Il y aura Foxy Shazam et... oui, c'est ça. Last Chance at Love qui est stable. Mais juste avant, on va aller écouter Pandaléon avec Taché, de numéro 8. Au palmarès C'est fou. Chalut. Je la trouve encore drôle, excuse-moi. Bon ben, ça fut bref, mais agréable. Mes pantalons le plus taché de toute l'histoire de l'art. Visage souillé de fusain noir. Pinceau rempli d'espoir. L'impressionnisme impressionne. Les pinceaux qui déconnent. Qui guide de longs doigts. Mais les brûle à la fois. Alors devant moi le coloris danse. Plus rien je n'y peux, je me perds. Thank you. numéro 8. Que c'était une très bonne fin de deuxième heure. On vient d'entendre Foxy Shazam. On a manqué le début, puis je l'ai refait, ça m'a pas paru. Foxy Shazam avec la position numéro 8 stable, Last Chance at Love. Et juste avant, on a écouté Pandaléon avec Taché au numéro 8, qui a fait une hausse de 2, puisqu'elle était au numéro 10 la semaine dernière. Au retour, on écoute Mother Mother, Jack White, Atomic Barbab et Peter au parleur assez fou. Il ne manque plus que vous. Vous êtes déjà là, par rapport. C'est assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Bonjour, c'est la troisième heure des Panneurs assez fous pour la semaine du 1er au 7 octobre 2012. Alexandra Carignan est juste là, là, là, là, là. Et Mathieu. Mathieu qui? Et Mathieu Plante est juste à côté. J'ai eu un chat dans la gorge. Oui, miaou. Très sympathique tout de même. Oui, quand même, hein. Tu sais, il retombe sur ses quatre pattes. Ben oui, il est parti, puis il reviendra plus. C'est ça. C'est triste. Non, faut pas dire qu'il reviendra plus. C'est triste, ça. Ça, il faut que ça revienne quand ça part. Il reviendra nous rendre visite. Parfait. On saute par-dessus les 7e places pour débuter cette heure-ci. On saute par-dessus Fally Bloom avec Ce que je voudrais en francophone. Et en anglophone, on saute par-dessus P.S. I Love You avec Sentimental Dishes. On va directement aux 6e places. Plus tard, il y aura Mother Mother et Businessman qui est stable. Mais tout d'abord, on commence avec Atomic Baobab et le Viewmaster qui a fait une hausse de 14. Non! C'est beaucoup, ça. Ben trop! Juste à... Ben, moi, j'aime ça. Ah. Moi, je suis contente. Est-ce que tu les as fait jouer? Si je les ai fait jouer? Est-ce que tu as contribué à leur succès et leur non, ben non, parce que leur succès remonte à avant mes débuts de radio. Ah. Mais moi, j'aime les voir en spectacle. Ils sont bons, hein? Ils sont très bons. Ils sont fins. Oui. Ils sont beaux. J'ai aucune idée, croyons-là. Ils sont sûrement super beaux. Tenez-vous-le pour dire. C'est ils vrai sont qu'ils beaux. Sont beaux. En plus, oh! De source sûre. Oh oui! Yeah. Mother, Mother et Businessman, c'est la position numéro 6 du palmarès anglophone. Et juste avant, on a entendu Atomic Baobab avec le Viewmaster numéro 6, qui quand même a fait une hausse de 14 positions. Ouais, hein? Moi, je trouve ça assez magnifique. Et d'ailleurs, c'est un groupe trifluvien avec des personnes de par chez nous qu'on aime bien faire jouer justement ici. Une chance qu'ils n'utilisent pas l'accent de Trois-Rivières. Mais sincèrement, il y en a qui me disent qu'on a un accent. Ouais. Pas nécessairement dans le parler, mais dans l'expression. OK, comme? Je sais pas. Patente à gosse, je pense que c'est très... Ah, bien. Oui. J'avoue. Il y a pas l'affaire avec la bus, entre autres, je pense qu'on prononce bizarrement. Ouais, nous autres, on dit... on va prendre... La bus. La bus, puis c'est le bus. Un autobus. Il y avait une autre affaire qui était typiquement trifluvienne. C'est pas les bangs, hein, c'est pas dire... Ça, c'est pas trifluvien pantoute, ça? Ben ça, je pense que c'est français, hein? Français. C'est dans la vie de la francophonie. En général. Je sais pas, mais c'est ça. C'est certaines personnes qui viennent surtout du coin de Montréal ou de Québec, justement, un peu dans les extrémités du Québec populé. Là. C'est ça, disent qu'à Trois-Rivières, on a certaines expressions qui sont assez dignes de nous, justement. Ouais. On va laisser faire Peter que je cherchais. C'est pour ça qu'on parlait pour rien dire, comme d'habitude. On va aller tout de suite du côté anglophone à la place. On va entendre Jack White. Oui, Jack White avec la pièce I'm Shaking au numéro 5, qui est très stable puisqu'il est resté au numéro 5. Pourtant, il shake. T'sais, comment tu peux shaker être stable? Voyons. Mais non, mais tu peux shaker sur place. Et d'ailleurs, je tiens à vous mentionner qu'il est en position numéro 5. La dernière semaine, il était en position numéro 5. Et ça fait 5 semaines qu'il est sur le palmarès. C'est un 5 en 3. C'est spécial quand même. T'sais, je m'attendrais. C'est comme mon téléphone quand il shake. Là, il tombe en mode la table des fois. Mais pas celui-là. Pour de vrai? Je veux pas l'échapper à temps. Mon nouveau iPhone, non. Pour ceux qui ne savent pas, Mathieu, le nouveau iPhone 5. Hein, Voleur, sachez-le. Attendez-moi dehors, devant la porte. J'ai hâte. Tabassez-le. Jack White, tout de suite. Au palmarès, c'est fou. My knees and I wobbled in my walk and I'm trembling. That's right, you got me shaking. When you take me in your arms to talk romance, my heart starts doing that Saint Rita dance and I'm dancing. Yeah. Oh, and I'm shaking. Early in the morning time, late in the middle of the night. Shit! 5. Você jusqu'à la fin, jusqu'à ce que j'oublie le lendemain, avec tous ces amours qui passent et qui meurent, qui nous marquent et nous blessent, et tous ces orages qu'on tient dans nos mains, qui éclatent et se brisent. Le futur nous main et en même temps si on se perd trop souvent, nos histoires nous accompagnent. Reste avec moi, je t'en prie, entre aujourd'hui et demain. Reste avec moi jusqu'à la fin, jusqu'à ce que j'oublie le lendemain. Reste avec moi jusqu'à la fin, jusqu'à ce que j'oublie le lendemain, avec tous ces amours qui passent et qui meurent, qui nous marquent et nous blessent, et tous ces orages qu'on tient dans nos mains, qui éclatent et se brisent. C'était Galaxy avec Jusqu'à la fin, position numéro 4, qui descend de deux places du côté francophone. Et avant ça, Alexandra, c'était mêlant parce qu'on a joué beaucoup trop de pièces de suite. Quand même, hein? C'est un bloc de 5, ça se fait pas à radio, on fait pas ça. Voyons, on n'a pas parlé. On l'a fait. Tu passes plein d'affaires. Donc, on a entendu avant ça, c'était Jack White avec I'm Shaking. On a aussi entendu Peter avec Les Chemins étoilés. Et là, on va faire un bloc de juste 3 pièces. Juste 3 pièces. On va entendre les deuxièmes plus tard. Est-ce qu'on revient après la prochaine? Vu qu'on n'a pas parlé pendant un long bout de temps, tu sais, parler comme deux fois de suite, ce serait pas pire? Ben faire oui. Un test, comme? On peut faire ça. C'est pas pire. Moi, c'est un test que je suis d'accord à faire. On va avoir un A+, comme dirait l'examen final. Tant que c'est bon, avec Simon et Maxime. Hey, Cotter! Hey, ce serait pas pire, ça, comme concept pour les gars. Tu sais, moi, je suis là puis je donne des idées qui n'ont aucun sens. Mais essaye de trouver une façon de plugger Cotter dans l'émission, l'examen final, tu sais. Genre, c'est comme ça passe juste parce que. Pour une raison, X. Tu trouves que c'est une bonne idée? Non. Non, ok. On y repasse. En y repassant. On va écouter Hot Panda tout de suite, ça te tente? Moi, ça me tente. C'est quoi la pièce déjà? C'est Language. C'est dans quelle langue cette chanson-là, mettons? Ben, je suppose que c'est en anglais. Un panda, ça parle anglais? Ben, en fait, parce que c'est dans le top francophone, anglophone, donc je me dis que c'est en anglais. On a déjà eu de l'instrumental dans le côté anglophone, par contre. Oui, mais c'est clairement pas du francophone si c'est dans l'anglophone. Vrai. Et voilà. Hey! Je te dis, une vraie Sherlock Holmes. Bravo! Hey, c'est une fille qui joue Sherlock Holmes dans la nouvelle série. C'est Lucy Liu. Fait que, ça marche. Can buy now.

think I can tell. I think I can tell them. Tell them they were made for me. I'm thinking they'll know. Know it already. I'm thinking they'll know just about everything. I bet they planned it all out, like the shows. Went everywhere I go. Walked in the store right behind me. Stood in line right beside me. And followed me to my home. I'm sure they figured it out early on. That I would never run. That they could shoot, but that's no fun. Cause then they're killing the stolen son. Oh, anything. On vient d'entendre The Neighborhood avec Female Robbery, qui était en numéro 3 anglophone, qui a fait une hausse, en fait, non, descente de 1. Ils étaient au numéro 2 la semaine dernière. On a appris plus tôt dans l'émission que descendre ou monter de 1, c'est quasiment pareil comme racine. C'est ça, on a décidé que c'était équivalent à la stabilité. Il faut essayer d'encourager les gens, tu sais, qui déprimeraient d'avoir perdu une place. Ben, c'est ça. C'est pas grand-chose. Avant ça, on a entendu Trio avec Greenwashing, c'est l'ancien numéro 1, ce qui veut dire qu'on a un nouveau numéro 1 francophone. Du côté anglophone, on n'a pas encore entendu la position numéro 1 de la semaine dernière qui était Metric avec Youth Without Youth. Est-ce que ça veut dire que c'est encore dans le top 2? Probablement. Probablement. Moi, ouais. On parlait d'élémentaire, mon cher Watson, tantôt. Ben ce qui nous amène à nous corriger. Te corriger, parce que tu as dit que le nouveau Watson dans la nouvelle série... La nouvelle série Elementary. Oui. Eh bien, tu disais que... C'est aussi Lou. C'est ça, mais non, elle fait Watson. C'est ça, elle fait pas Sherlock, j'avais dit Sherlock. Non, non. Sherlock, c'est un autre... Ben, en fait, c'est un pattern là, d'anglophone un peu suffisant. Là. Ouais, ouais. C'est lui, c'est encore ça. Exact, ça reste dans le même mood. Ça fait beaucoup, beaucoup de choses basées sur Sherlock Holmes. Ben oui, surtout que l'année dernière, ils ont sorti la mini-série Sherlock. BBC, genre, ou en tout cas au Royaume-Uni. Oui, la BBC, ouais. Et le film avec Robert Downey Jr. Ben oui, exactement. Question de... C'est comme une mode. Ouais, c'est comme les... qu'est-ce qu'il y a d'autre comme mode? Ben, il y a les vampires, hein? Oui, les Superman, peut-être? Nouvelle série de films, la Smallville qui est en onde. Ah, il y a beaucoup d'affaires. Okay, je vois ton... oui, effectivement. Genre de plusieurs affaires avec le même personnage. Mais Smallville, par exemple, c'est vraiment l'avant super-héros. Les débuts. Tandis que le Superman qui est sorti, qui était d'ailleurs mauvais, il se parlait C'était pas Amazing? Quand tu mets Amazing dans le titre, là, ça veut dire que c'est Amazing, ça? Non, c'était juste pas The Amazing Superman. Non, non. The Bearable, c'était juste Superman. Kind of okay. Plate comme ça. Super. On est rendu au numéro 2, des palmarès assez fous. Mais oui. Et du côté anglophone. Ah, je pense que je devrais quasiment ramener une marque de commerce d'il y a quelques années. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Mais je te dirais que ce sont les positions de la semaine. Pour moi. Je ne le... Les positions de la semaine? Ben oui, c'est parce que j'ai pas le référent. Non, c'est ça. À ce... Non. Non, mais c'est mes positions de la semaine, c'est mes préférées. Mais t'as pas le droit, les positions numéro 2, tu parles. Oui, c'est ça. Mettons, du côté anglophone, je te dirais que c'est Stars avec The Theory of Relativity qui monte de 7 places. Et du côté francophone, c'est en fait ce qu'on va aller écouter tout de suite là. C'est Madame Moustache avec Maison Mobile qui a fait une hausse incroyable puisque c'est de 14 positions. Ah, ça, c'est une hausse parce qu'elle a fait le mouvement du bras comme dans les Power Rangers. Go! Oui. Go par en l'air. Mais 14 positions, ça vaut le Fitz Bump. Le Fitz Bump. Comme oui. Simon Fitzbay. S'il faisait une Fitzbomb, ce serait une Fitzbomb. Fitzbomb. Ce serait écœurant. Hey, ce serait fou. Il va falloir lui en parler. Ben ouais. Oui. Moi, j'y amène plein d'idées qui sont pas du tout sollicitées et pas du tout nécessaires. C'est pas grave. À part le truc, là, on va entendre Madame Moustache. Madame Moustache. Au palmarès, c'est fou. Mmh.

is a race to the end, and I don't intend to win it, baby. You go ahead, I'm gonna meet you then. D.A.D. used to talk of relativity. That was way back when everyone was scared. Now that we're deep inside the wires, there's a place to hide. You can do things they would have never dared. On vient d'entendre Stars avec The Theory of Relativity en deuxième place avec une belle hausse, en fait. C'était au numéro 9 la semaine dernière. Avant ça, on a entendu Madame Moustache et Maison Mobile qui montent de 14 places. C'était nouveau la semaine passée. C'était, comme je le rappelle, mes positions de semaine. Madame Moustache, d'ailleurs, tantôt on parlait de Manolo et de... On parlait de Manolo et de Ramdam. Eh bien, Madame Moustache, on peut mentionner ça comme étant l'actrice Geneviève. Geneviève Néron. Dans Real TV. Oui, elle jouait le rôle, évidemment, de la fille qui était jouée par Geneviève Néron. La fille aux cheveux courts, là. Avec la voix. Oui, la petite voix, c'est ça. C'est ça. Elle était dans Real TV. Et moi, je l'adore. Je la trouve super bonne. Sa voix, je la trouve carrément géniale. Ben, c'est une voix assez particulière qu'on peut facilement reconnaître à travers plusieurs. Et voilà. Il reste seulement les numéros 1. Mais avant de faire les numéros 1, on a le temps un petit peu pour faire la section ailleurs dans les palmarès. Ça te tente? Ben, ça me tente certain. C'est tout le temps un défi à chaque semaine. On va faire gling, gling, gling pour virer le feuille et aller regarder parce que les gens sont dans le champ en pensant que les palmarès c'est fou, c'est seulement un top 20 franco et un top 20 anglo. Non, non, non. Hey, gang, c'est parce qu'on est en 2012, là. C'est ça. Ça veut dire qu'il y a d'autres choses, là, dans la vie. C'est comme. C'est ça. C'est ça. Oui, tout à fait. De la grande rhétorique. Donc, cette conversation était tout à fait improvisée, en passant. Ça paraît. Ça paraît. Il reste seulement, il faut donner le top 30 des albums, le top 3 des disques canadiens, le top 10 électronique et le top 10 loud. Et je vais commencer par les nouvelles entrées dans le top 30 des albums. Position numéro 30, Propagandy avec Failed State. En 26e, Wax Taylor et Dusty Rainbow from the Dark. Et en 19e place, on trouve Bio Bazar et Obum Contech. Oui. Oui, top 3. Top 3. Alors, 3? Top 3. Troisième place, on a The Neighborhood avec I'm Sorry. En numéro 2, on a Stars avec The North. Mm-hmm. Et en première position, on a Metric avec Synthetica. Ouais, dans le top 3 des disques canadiens. En troisième, c'est Hot Panda, Stable avec l'album Go Outside. En deuxième, c'est pas mal la même chose. En fait, top 2 et 1. En deuxième, Stars et en première, Metric. Dans le top 10 électronique, il n'y a aucune nouvelle entrée cette semaine. Donc, est-ce qu'on va s'essayer avec le top 3? On va essayer avec le top 3. Alors, le numéro 3 est Shout Out ouais. Avec leur album Spanish Moss and Total Loss. En deuxième position, on a The Invisible avec leur album Ripash. Et en première position, on a Blue Foundation avec In My Mind, I Am Free. Mm-hmm, ce qui est du top 10 loud. Merci, t'es fait. Top 10 loud, 3 nouvelles entrées. En 10e place, Dew Scented. C'est à odeur de bruine. Hein? Oh. Avec Icarus. En 9e, c'est Tarja avec Act 1. Ça veut dire Act 1. Merci, traduction. Et en 8e, Heaven's Cry, les pleurs du paradis avec Wheels of Impermanence. Est-ce qu'on est top 3, c'est difficile, là, je te. Non. Ben là, non, mais tout le monde, hein? Je suis capable de relever ça. Vas-y. Numéro 3, on a Texas Hippie Coalition avec Peacemaker. Au numéro 2, on a Devin Townsend avec Hippie Cloud. Et au numéro 1, on a Titans Eve avec Life Apocalypse. Wow, tu vois, j'ai eu confiance en toi dès le départ et j'ai bien fait. Alors voilà, ouais. J'ai réussi à faire le top 3 de l'électronique et le loud. Bravo. On voit qu'à chaque semaine... Pourquoi on fait ça déjà comme ça? On avait déterminé une façon qui marchait super bien puis on l'a reperdu. D'après moi, tu faisais l'électronique et je faisais le loud. Aha! Voilà. Mais c'est pas grave, là, on a tous les deux les pieds dans les plats. Tout à fait. Puisque tu fais les nouvelles entrées, je fais le top 3. T'sais, moi, je trouve ça équitable. OK, parfait. D'accord. On va retourner à nos positions, comme on disait, numéro 1. Et numéro 1 veut dire jeu de mots poche de ma part. Ben oui. On s'attend à rien de moins. Parce que c'est un peu... c'est mon domaine, je te dirais. C'est mon domaine. Si, mettons, j'avais... Je pouvais avoir comme un genre de territoire... Si t'avais un doctorat honorifique, ça serait en jeu de mots poche. Exactement. Un peu comme Jean Chrétien en a eu un, tu sais. Ben oui, c'est ça. Je peux en avoir un aussi, mais en jeu de mots poche. Oui, on a oui. Ça à l'université, c'est cool. Ça, je pourrais le demander, ça se donne, ça. Ça se donne. Donc, j'aurais comme ma propre plaque qui oui. Pourrait être dans une zone réservée qui serait nommée en mon honneur, qui s'appellerait la zone Mathieu Plante. Ce serait mon espace Mathieu Plante. L'espace Mathieu Plante. Ce serait vraiment beau. Ce serait comme peut-être un désastre pour d'autres qui sont jaloux de mes jeux de mots. Ben oui, moi je suis sûre que la réactrice est sûrement très jalouse de ouais. Tes jeux de mots. Oui, et ça... elle serait comme, mais pourquoi j'ai pas un emplacement pour jeux de mots moi aussi? En tout cas. Ah, j'avoue, on n'a jamais demandé à la réactrice si elle était bonne en jeux de mots. Je sais on pas. On devrait demander. Je sais pas, parce que sinon ça pourrait créer une controverse, ça pourrait créer de petites apocalypses. J'essaie de placer le nom de l'album dans mes jeux de mots, tu comprends? Oui. Moi, tu l'as ouais, vu? Oui. C'est ça. Du côté anglophone, c'est le même numéro que la semaine passée. Fait que je vais pas me répéter un petit peu parce qu'à un moment donné, ça va faire. On n'est pas. Pour le jeu de mots de cette semaine, okay. Allez réécouter l'épisode de la semaine passée. Et voici l'extrait. Non, on n'a pas la technologie pour ça du tout. Non, on n'a pas ça. Mais c'est pas grave. Donc, ce sera Metric avec Youth Without Youth. Vous aurez compris que c'est stable de ce côté-là. Et c'est pas faux. C'est très vrai. Ce n'est pas. J'ai essayé de faire quelque chose de synthétique, mais. C'est pas du fake. C'est pas synthétique. Pas du fait. On s'en entend le numéro 1 franco? Le numéro 1 franco qui est de Noem et c'est Mon Espace et qui a fait une hausse de 8 pour atteindre le numéro 1. Oh. Wow, vous êtes au palmarès, c'est fou! Oh yeah! Yeah! Encore le Power Rangers Go par en l'air. Yeah! Mais pas tout à terre, là. Non. Ça coûte cher. Je me suis levé ce matin. Dans un curieux monde parallèle, j'avais un corps étoile tien dans un univers matériel. J'avais si froid et j'avais mal. Sans mon réseau, je n'étais rien. Tout était vrai et immoral. Tu étais là, tu étais loin. Ça me fait peur.

position numéro 1 de chaque côté, mais avant de dire les numéros, on fait un petit récapitulatif, genre du top 3 de chaque bord. On pourrait faire ça. Choisis ton bord, démocrate ou républicain? Je vais choisir démocrate. Oh, j'apprécie beaucoup. Alors, en position numéro 3 anglophone, on retrouvait Female Robbery avec The Neighborhood. En deuxième position, Theory of Relativity de Stars. Et en première position, celle qu'on vient d'entendre, c'est Youth Without Youth de Metric. Oui, du côté franco, Trio est en troisième, l'ancien numéro 1 avec Greenwashing. En deuxième, ça monte de 14, Maison Mobile de Madame Moustache. Et on a entendu au début du bloc Noem qui monte de 8 places avec l'excellente Mon Espace sur l'album Petits Apocalypse. Ouais, tout petit! Je peux l'écraser avec mes doigts. Écraser le nez. Donc, c'est la fin de l'émission de cette semaine. On se retrouve jeudi prochain en direct entre 15h et 18h. Restez à l'écoute à 19h, c'est 13e étage, émission d'électro-jazz éclectique. Puis à 21h, c'est électro-tactile. On repasse les vendredis entre 17h et 20h. Camarade B s'en vient avec Sky Punka à partir de 20h. Et on rejoue finalement le lundi. Notez l'heure qui change à chaque semaine, 14h cette fois-ci. Après nous, c'est la sécheuse suivie du boudoir à 18h avec toi-même, Alexandre. Oui, c'est moi, ça, le boudoir. Bonne émission, musique émergente, pleine de belles chroniques. Mélissa Beaupré. Mélissa Beaupré en plus. La plus importante. Et voilà. C'est avec toi. Top number one. Top number one, ladies. Stable. Genre. On se quitte avec une pièce qu'on a sautée plus tôt dans l'émission. Sur la plupart de nos stations, on entendra Dumas. Et l'heure et l'endroit, en 11e place. On aime ça? On aime ça. Bonne semaine, bonne fête de semaine. Bonne fête de semaine à vous. Peu toi. Importe. Toi, vous. Toi, vous, toi. Les gens. Tout le monde. The people. The people. Fire.